Fable de La Fontaine, édition 1874. Le lion amoureux. Livre quatrième, Fable 1, par Jean de La Fontaine. Le lion amoureux. À Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui naquitte toute belle, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter. Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela. Tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Fin de la fable, Le lion amoureux, enregistré par Christiane Jehanne.